Le lendemain, entre 8 et 9 heures, François frappait à la porte du capitaine Villefort. Le capitaine lui tendit la main et lui désigna une chaise. Puis il s'enfonça jusqu'aux aisselles dans son fauteuil. « François, lui dit-il sans préambule, monsieur de Sermaise, mon oncle, a pris à son service une fille qui vole son vin pour les soldats de la garnison. Cela ne me surprend pas. J'avais cru m'apercevoir de quelque chose. Des bouteilles bouchées, mais fades. » Fades comme si on les avait remplies d'eau. Oh, le compte y était tout de même. Mais elle ne vole pas seulement le vin de l'oncle. Elle fouille dans ses papiers quand vous êtes tous dehors, et elle surprend nos secrets de famille. Puis elle les redit à tel homme de mon escadron que je pourrais désigner. C'est ignoble. Vous me faites frémir, monsieur Pierre. C'est une fille à pendre. Non, mais à congédier dans une heure. Mais enfin, comment pouvez-vous savoir cela, monsieur? Peu importe, je n'ai pas fini. La demoiselle d'Alsace, Geneviève Soulchnach, aujourd'hui par acte authentique mademoiselle de Sermaise, est l'héritière légitime de mon oncle. Quel que soit le motif qui ait déterminé mon oncle à me déshériter, il ne saurait me convenir de me rencontrer avec elle. Si je me décide à visiter ma mère et mon oncle, je tiens à ce qu'elle soit absente. Ah, la pauvre demoiselle, si pieuse, si bonne. Mais c'est le soleil dans la maison que cette jeunesse. Elle n'a plus ni père ni mère, elle. « Et moi ?» demanda Pierre d'un ton terrible. François se tut et essuya furtivement ses vieux yeux. « En conséquence, poursuivit Pierre, je t'autorise formellement à dire de ma part à mon oncle ce qui regarde la fille de cuisine, à annoncer ma prochaine visite à ma mère et à faire connaître en particulier à la nommée Geneviève Soulchnach que je désire ne pas la trouver là. »« J'obéirai, » dit François, les yeux rouges de larmes. « Seulement, oui, pour éviter une mortification aussi cruelle à mademoiselle, je sais bien ce que je ferai, car si choyée qu'elle soit chez nous, elle est orpheline et pauvre par le fait. Enfin, je m'entends. Va, François, reprit Villefort, qui craignait de s'apitoyer lui-même. Ce sera pour demain, mercredi, entre le déjeuner et le dîner. Bien entendu, je n'accepterai pas à la maison un verre d'eau. Adieu, monsieur Pierre, et au revoir. Je boue dans ma peau en songeant à cette commission-là. Mais tenez-les pour faite. C'est votre volonté, voilà tout. François partit sans que Pierre levât seulement les yeux. Le lendemain, mercredi, à l'issue du déjeuner, en attendant l'heure de se présenter rue de Mantes, Pierre Villefort courait à cheval dans la forêt de Marly, quand à un carrefour, il aperçut une victoria arrêtée, en avant de laquelle se tenait une dame, le visage entièrement masqué par un chevalet de campagne. Le cocher sommeillait, non sur le siège, mais commodément étendu sur les coussins de la voiture. Comme le capitaine hésitait entre plusieurs avenues, la dame artiste eut le temps d'ébaucher ce cavalier, dont l'uniforme donnait sur un fond d'arbre roussi par l'automne une note bleue assez agréable. Villefort, campé déjà sans le savoir sur le paysage, se décida pour l'avenue de droite. Il jeta en passant un regard sur l'artiste. C'était Geneviève. À un mouvement involontaire du capitaine, celle-ci eut un pressentiment. « François, murmura-t-elle, comme si elle avait peur. » Le domestique se réveilla, et à l'aspect de l'officier qui s'éloignait, il porta machinalement la main à sa casquette galonnée. « C'est lui, » se dit Geneviève, « je m'en doutais. » Bien assuré que la jeune fille n'était pas rue de Mantes, Villefort ne fit qu'un temps de galop jusqu'à l'hôtel Sermaise. Là, il entra, attacha sans façon son cheval à l'écurie, et marcha au-devant de sa mère et de son oncle, qu'il voyait assis dans le jardin. « Tu t'es donc enfin souvenu de nous, » s'écria Madame Villefort, en sautant au cou de son fils, à qui, en même temps, Monsieur de Sermaise tendait la main. « Je n'ai jamais cessé de songer à vous, » répondit le capitaine en s'asseyant sur un banc près de sa mère. « Sais-tu que tu es un fort beau capitaine ?» reprit l'oncle d'un ton aimable. « Tu es donc en garnison à Saint-Germain ?»« Oui, mon oncle. » « Tu nous as déjà rendu un bon office en nous apprenant à quelle servante nous avions affaire. Elle est congédiée. » « C'est heureux, car le mal qu'elle a fait n'est pas près d'être réparé, » dit gravement Villefort. « Bah, qui se soucie de mes vieilles histoires ?» Ce n'est jamais que pour le principe qu'il fallait sauvegarder. Mais mon oncle, vos secrets sont aussi un peu les miens. Des indiscrétions auraient-elles été commises? On sait, par exemple, insinua Villefort, qu'un fils négligent, un neveu plus ou moins indigne, exilé de la maison depuis 15 ans, a été supplanté ici par une étrangère, dont j'ignorais encore l'existence il y a 8 jours, ce qui n'a rien de très flatteur pour le nommer Pierre Villefort. Il eut un moment de silence pénible. « Tu ne nous parles pas de notre vieux François, » dit Madame Villefort, pour renouer la conversation. « Tu ne l'accuseras pas de ne pas l'aimer, celui-là. »« Non, je ne l'en accuserai jamais. C'est un cœur, lui, riposta sèchement le capitaine. Cet éloge de François, quelque mérité qu'il fût, froissa les deux vieillards qui ne se sentaient pas inférieurs, comme sensibilité à leur vieux domestique. Monsieur de Sermaise considéra un moment le bout de son escarpin d'un air indéchiffrable. Puis, « Eh bien, Pierre, demanda-t-il, aurons-nous de temps en temps la visite du capitaine Villefort ?»« Oui, mon oncle, si vous le permettez. » Car il serait blessant pour nous tous de justifier en aucune mesure les médisances. Mais je vous demanderai comme faveur d'être dispensé ces jours-là, comme aujourd'hui, de la compagnie d'une personne, dont la présence est une mortification pour moi. Je tiens à ne pas la trouver sur mon chemin. » Ici, M. de Sermaise et Mme Villefort s'entre-regardèrent avec une profonde tristesse. « Nous avons pu juger en effet, dit le vieillard, que la présence de cette personne t'offusque, puisqu'elle n'est pas là, mais peut-être que tes prétentions contre elle s'éteindraient si tu apprenais à la connaître. Je n'y consentirai jamais, mon oncle, c'est mon dernier mot. » Alors, riposta M. de Sermaise, offensé, « c'est adieu et non au revoir que je te dis. Quant à ta mère, elle est chez elle ici, elle le sait surabondamment. » « C'est elle qui te recevra, et je me permets de t'engager à la voir souvent, car nous sommes vieux, et tout exige que la mère et l'enfant soient ou paraissent unis. »« Il est vrai, dit Pierre. Eh bien, il en sera ainsi. Adieu, mon oncle. Au revoir, ma mère. » Il se leva péniblement ému. Madame Villefort regardait son fils avec des yeux inondés de larmes, mais sans articuler une parole. Elle et lui étaient debout. Monsieur de Sermaise demeurait seul assis et visiblement accablé. Tout à coup, il se leva aussi, vint frapper familièrement sur l'épaule du capitaine et lui dit « Vois-tu, mon enfant, tu empoisonnes volontairement ta vie par ton entêtement. J'ai là-haut dans ma chambre un livre, où depuis 20 ans j'écris mes pensées jour par jour. Quand je n'y serai plus, tu le liras ligne à ligne, et alors tu pleureras, et tu me pleureras, et tu n'accuseras que toi seul. Alors j'aimerais mieux le lire tout de suite, dit vivement Pierre. Tu le veux? Eh bien, va, tu trouveras sur mon bureau un livre à fermoir. Voici la clé. Va et connais la vérité sur toi-même et sur les autres. » J'accepte, Villefort d'un ton résolu. Il prit la clé et monta chez M. de Sermaise. « Que fais-tu, mon ami ? Dit la veuve à son frère quand ils furent seuls. « Tu livres ainsi, sans les avoir relus, les confidences d'une vie aussi longue à un pauvre malade, enclin à tourner tous les textes au profit de ses folles rancunes ?»« Qu'importe, répliqua M. de Sermaise, il faut que cette situation soit liquidée. On peut regarder le fond de ma vie. » On n'y verra que tendresse et loyauté. Si Pierre prend de cette lecture texte contre moi, c'est qu'il sera fou, incurablement. » Madame Villefort reprit avec résignation son ouvrage de tapisserie, qui occupait ses mains sans distraire sa tête, d'une préoccupation pleine d'angoisse, tandis que son frère lisait sans lire. Deux mortelles heures passèrent ainsi, et Pierre ne descendait pas. Les deux vieillards tremblaient que François ne ramenât Geneviève avant le départ du capitaine. Cependant, le jour baissait et 5 heures venaient de sonner, quand les vantaux verts de la porte cochère grincèrent sur leurs gonds, et François apparut. Mais, à part les engins de peinture de Geneviève, la Victoria était vide. « Et mademoiselle ?» demanda Madame Villefort. « Mademoiselle s'est arrêtée à l'église. Elle prie madame de vouloir bien aller l'y chercher, quand madame le jugera à propos. » Ce fut dit à haute voix dans la cour. La vieille dame affecta de ne manifester aucune surprise de ce retard. Dans son fort intérieur, elle admira la délicatesse de la jeune fille, qui avait compris que l'offre de François de la mener peindre devait avoir du rapport avec la venue du capitaine, et qui ne voulait pas revenir à la maison mal à propos. Tout à coup, Pierre apparut dans le vestibule. Il descendit, très calme en apparence, mais excessivement pâle. À sa vue, François se découvrit et s'avança vers lui, sans oser lui adresser la parole. Madame Villefort feignit de s'occuper d'un massif de rosiers, qu'elle émondait avec ses ciseaux, tandis que M. de Sermaise s'avançait, tenant toujours son journal dans ses mains tremblantes. Pierre considéra tour à tour ses visages vénérables, altérés par l'angoisse présente et le souvenir d'anciennes douleurs, puis « Ne dételle pas, François, dit-il de ce ton bref qui lui était propre, j'ai besoin pour un quart d'heure de la voiture et de toi. » Et comme François, intrigué, considérait Pierre pour s'assurer que c'était sérieux. « Vous permettez, mon oncle, ajouta-t-il ? « Volontiers, répondit M. de Sermaise, mais ton cheval ?»« Je vais venir le reprendre. À propos, voici votre clé. »« Fait, repartit l'oncle, qui ne pouvait s'imaginer où Pierre voulait aller à pareille heure. » Le capitaine monta dans la Victoria. « À l'église, commanda-t-il tout bas. » Place du château, Pierre Villefort sauta à bas de la voiture et entra dans l'église, presque déserte à 7 heures. Avec aussi peu de bruit qu'il était possible, et s'avança vers la place où Geneviève était assise. En apercevant la capitaine, la jeune fille tressaillit. Pierre s'inclina respectueusement et dit à voix basse « La voiture de mademoiselle l'attend. » Geneviève, troublée, rougit excessivement. Elle se leva, comme mue, par un ressort et obéit. « Je vous remercie, monsieur, » balbutia-t-elle. Elle salua l'hôtel et, escortée du capitaine, elle atteignit le bénitier, où Pierre l'avait devancé pour lui tendre la goutte d'eau lustrale. Elle se signa, s'inclina encore pour remercier et sortit en pleine lumière sous le péristyle de l'église. Le capitaine fit un geste. La Victoria va s'arrêter devant eux. Villefort mit Geneviève en voiture et dit à François qu'il n'en revenait pas. « Rue de Mantes. Monsieur ne monte pas ?» Pierre fit un signe négatif et salua de nouveau. La voiture partit au trot. Villefort revint à pied. À son arrivée rue de Mantes, la cour était déjà déserte. François achevait de dételer. Le capitaine ne demanda à voir personne. Il se fit simplement amener son cheval. « Merci et au revoir, » dit-il à François, en mettant le pied à l'étrier. Puis il piqua des deux et s'éloigna au galop. Monsieur de Sermaise, cédant à une curiosité bien naturelle, était remonté chez lui, pensant retrouver sur le fameux livre la trace des sentiments qui avaient animé Pierre pendant sa lecture. Le livre était intact, à la réserve de 3 pages qui étaient cornées, la première à la date de juillet 1863, portait collée au verso une lettre de Pierre, pleine d'injures et d'outrages à l'adresse de sa famille. Elle était jadis tombée entre les mains de monsieur de Sermaise, par hasard, et elle venait là après le récit des amertumes sans nombre dont le jeune homme avait abreuvé ses parents. Pierre s'était contenté de tracer en travers de cette lettre, au crayon rouge, ces simples mots, authentiques et infâmes, « Pierre Villefort ». Après 15 ans, pensa monsieur de Sermaise, c'est ainsi que Pierre se juge lui-même, c'est très beau de la part d'un capitaine de 36 ans. Et il essuya une larme qui lui parut bien douce. L'autre page, cornée beaucoup plus loin, exprimait aussi les hésitations éprouvées par monsieur de Sermaise quand, dévoré du désir d'être aimé de quelqu'un, il avait recueilli Geneviève Soulnach, âgée de 10 ans, et qui végétait à l'asile alsacien-lorrain du Vésinet. Geneviève, remarquablement douée à tous égards, était fille d'un fonctionnaire ruiné et orpheline. Pierre Villefort avait corné cette page mémorable, mais sans la noter d'aucune manière. Il avait passé outre. Enfin, plus loin encore, M. de Sermaise trouva dans son manuscrit ces mots soulignés avec le même crayon rouge. « Pierre est lieutenant de cavalerie. Ses notes sont honorables. Si son cœur se tournait vers moi, mais spontanément et sans aucun calcul que celui de l'amitié, il me semble que je pourrais l'aimer encore. » À la suite de cette phrase déchirante dans sa simplicité, Pierre avait tracé au crayon rouge un point d'interrogation sceptique et pâle. Et puis, roide comme la justice ou comme l'ingratitude, mais peut-être aussi comme la fausse honte, le capitaine Villefort était sorti de la maison Sermaise. Mais il était allé chercher à l'église, où il avait entendu dire qu'elle attendait son appel, cette jeune fille qu'il avait dit à François, à Madame Villefort, à Monsieur de Sermaise lui-même, ne vouloir pas trouver sur son chemin. Au dîner, Monsieur de Sermaise fut plus gai que de coutume. Chacun, y compris François qui servait, cherchait à deviner la pensée qui le faisait sourire, quand il dit à Geneviève « Eh bien, fillette, c'est donc ce polisson de capitaine qui est allé te chercher ?»« Oui, père, c'est bien gracieux de la part de Monsieur Villefort. D'autant plus qu'à vrai dire, je ne lui ai jamais été présenté. Quand je l'ai vu paraître, j'ai éprouvé le sentiment d'un petit chien qui s'était égaré et que son maître vient rechercher. Car il est sévère de visage, Monsieur Villefort. Enfin, il ne m'a pas corrigé. Il était même bien bon de s'occuper de moi. N'ai-je pas le tort de vous aimer ? Il te pardonnerait bien vite ce défaut-là, dit l'oncle, s'il était capable de le partager. De tels sentiments ne se partagent pas, dit en secouant la tête Madame Villefort. Ils n'engendrent que la jalousie. « Oh, moi, » dit Geneviève avec une étourderie charmante, « je me chargerai bien de vous aimer concurremment avec quelqu'un. Je ne suis jalouse de rien ni de personne. Et d'abord, je n'en ai pas le droit. La preuve, c'est que j'ai pris ce matin avec joie la poudre d'escampette. J'avais bien compris pourquoi François m'emmenait me promener. Il était bien naturel que M. Pierre voulût vous voir seul. J'en aurais fait autant à sa place. Oh, à propos, M. Pierre, il a posé sans le savoir aujourd'hui devant moi, et j'ai pris sa photographie instantanée avec son cheval. François, mon étude, hein, est-il ressemblant ? Le cheval surtout, dit François sérieusement. Tu pourrais me faire un bien grand plaisir, mon enfant. Ce serait en me donnant cette étude-là. Elle est à vous, père, dit l'Espliègle, jeune fille, en embrassant M. de Sermaise. Ah, si le modèle était là, comme j'aurais du plaisir à mettre un couvert de plus, soupira le vieux domestique, qui avait son franc-parler dans la famille. Tous se turent. C'était formulé d'une façon saisissante et naïve à la fois la secrète préoccupation, et peut-être même à présent l'espérance de tous. À quelques jours de là, Pierre reparut rudement sans s'être fait annoncer. Il était en grande tenue. François vint lui ouvrir. « C'est toi, vieille bête, lui dit le capitaine d'une meilleure voix que par le passé. « Oui, monsieur Pierre, vous désirez voir madame, votre mère ?»« Madame Villefort et les autres, dit simplement le capitaine, en regardant François bien en face. » C'est « et les autres » fit sauter de joie le vieux domestique, qui se précipita dans l'escalier en annonçant à pleine voix « Monsieur Pierre Villefort !» Monsieur de Sermès, qui avait entrouvert sa porte pour savoir qui il entendait parler à l'étage inférieur, la referma sans bruit, et madame Villefort descendit seule. Pierre embrassa sa mère sans parler. Puis « Mon oncle ne descend pas » demanda-t-il. « Hélas, mon enfant, après ce qui s'est passé... »« C'est juste, répliqua le capitaine. « Du reste, c'est à moi de le remercier de la communication qu'il m'a faite l'autre jour. « Je vais monter chez lui s'il veut bien me recevoir. « Va sans crainte, mon enfant, mais c'est qu'il n'est pas seul. « Il est occupé ?»« Ou à ne rien faire, à laisser faire son portrait. « Raison de plus, ce sera pour moi une occasion de saluer le peintre. « Merci, cher enfant. » Pierre monta et frappa à la porte de son oncle qui cria « Entrez !» À la vue du capitaine, Geneviève salua discrètement et fit mine de se retirer. « Pardon, mademoiselle, vous n'êtes pas de trop ici, puisque vous y êtes chez vous, » dit Villefort. « Il me semble, hasarda la jeune fille, enhardie par cette parole courtoise, que vous êtes ici plus encore chez vous que je ne saurais l'être. »« Il vous plaît de le penser, » répliqua le capitaine, souvent problématique dans la concision de ses phrases. Puis, quand tous trois furent assis, « Mon oncle, dit Pierre, je compte compter Saint-Germain. J'ai tenu à prendre congé de vous, de ma mère et de mademoiselle de Sermès, » ajouta-t-il avec effort. « Pourquoi nous quitter ? Ta présence à notre foyer serait notre joie, » s'exclama monsieur de Sermès. « Ah, si vous restiez, monsieur Villefort, dit Geneviève tout à coup, vous auriez de moi une bien belle récompense. »« Laquelle ? Demanda vivement Pierre, en fronçant légèrement le sourcil. « Daignez venir ici, monsieur, dit la jeune fille, sans lever les yeux de sa palette. » Pierre, très étonné, se leva et s'avança vers la jeune artiste. « Écoutez, lui dit-elle alors tout bas en souriant, malgré les larmes qui perlaient au bord de ses paupières. « Je ne vous offrirai pas ma main. Vous ne sauriez qu'en faire, ni votre portrait. Je ne me sens pas de force. Il n'y a que monsieur de Sermès pour s'intéresser à mes barbouillages. Mieux que cela, mieux que tout cela. » Et Geneviève chuchota à l'oreille de Pierre. « Je m'en irai sans rien emporter d'ici. Quelle éternelle reconnaissance !» Villefort tressaillit. « Que dites-vous donc, là, tous deux ?» demanda monsieur de Sermès, impatienté de ne rien comprendre à cet aparté. « De trois choses dont parle mademoiselle, dit tout haut Villefort. « Je n'en accepte qu'une, mon portrait, quand elle aura fini. « Le vôtre, mon oncle. « Il remplacera celui qu'on a tourné contre le mur, » ajouta-t-il en riant. « Ainsi s'est entendu mon portrait quand je reviendrai. « En attendant, je pars. « Pour longtemps ?» demanda monsieur de Sermès, assombri. « Cela dépendra, » murmura le capitaine. « Mais vous aurez de mes nouvelles. » Puis, désignant le livre à fermoir, « Vous allez brûler cela, je pense. »« C'est fait, mon enfant, » répondit le vieillard, en lui montrant que du fameux journal, il ne restait plus que les feuillets blancs et la couverture. « Voilà un oncle parfait, » s'écria le capitaine. « Oh, je sais, » dit Geneviève avec ferveur. « Non, simplement un oncle, » rectifia M. de Sermès. « Dans tous les cas, un oncle rare, » déclara Villefort. Ce duo, dit gaiement le vieillard, est aimable à entendre, mais il a duré suffisamment. « Il en est un autre qui ne me déplairait pas non plus. « Lequel ? » demanda Geneviève. « Puisque Pierre part, j'espère bien que ce sera pour son retour, » répondit M. de Sermès, sans s'expliquer davantage. Le capitaine regarda la jeune fille qui baissa les yeux. Après quelques instants de silence, Villefort se leva de nouveau et dit adieu à son oncle et à Geneviève. Pour toute plainte, pour toute réclamation contre un arrêt qui lui faisait peine, M. de Sermès dit à Pierre résolument « J'aurai demain 75 ans. Fais-moi un grand plaisir, tu me dois bien cela. » Que désirez-vous? Ne pars pas, reste. Villefort ne répondit pas. Il regarda la jeune fille. Monsieur Pierre accepte, déclara joyeusement Geneviève. Elle lui tendit la main sur laquelle le capitaine déposa un baiser. Enfin, voilà donc mon dîner à quatre couverts, s'écria François qui entrait à ce moment avec madame Villefort. Tours, avril 1889.